Des voleurs ont attaqué la banque. La banque a été attaquée par des voleurs. La police a arrêté plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police. Des témoins ont identifié deux hommes. Deux hommes ont été identifiés par des témoins. Le commissaire a interrogé les suspects. Les suspects ont été interrogés par le commissaire. Le juge a condamné les malfaiteurs. Les malfaiteurs ont été condamnés par le juge.